Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'un disque À quoi est-ce qu'on Un dictateur. Mais moi personnellement, j'en ai rien à foutre parce que j'ai voté contre personne. Je sens que ce soir, vous avez envie de me casser les couilles et que vous avez pas envie de faire le débat. Je peux casser la couille. Mr. Cousin. Il y a de la musique, dégage. Hop, allez hop. Il y a de la musique, dégage. Merde. Il y a de la musique, dégage. Hop, allez hop. Il y a de la musique, dégage. Ta gueule. Il y a de la musique, dégage. Hop, allez hop. Il y a de la musique, dégage. Bonne nuit. Il y a de la musique, dégage. Hop, allez hop. Il y a de la musique, dégage. Clair, net et précis. Je vais vous dire une chose, si vous aimez pas les routiers, dans ces cas-là, allez vous faire foutre. Le mec qui s'amuse à rôter comme un porc, il faut mieux de se calmer. Parce que tout à l'heure, tu as dégagé dans ta niche et tu vas voir. Et celui qui a un portable, arrête. Alors pourquoi les dictateurs sont-ils si méchants? Alors 23% des gens répondent en buvant de l'orangina rouge. 36% répondent la réponse B. C'est leur dernier mot, Jean-Pierre. Mon dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Non, les gars, il y a un truc qu'il va falloir vous mettre dans la tête. Ouais, vous faites les moyens avec les moyens du bord. Ouais, d'accord. Hop. Non, allez, hop. Okay. Ce coup-là, je dis amen. Au revoir. Allez vous faire enculer. Allez, vous allez pas me casser les couilles. Bah alors, c'est quoi, dictateur? Ferme ta gueule, pas connasse. Oh non, mais c'est bon. C'est pas la peine de lire les messages sur l'internet. Ouais, ben. Te fous pas de ma gueule, d'accord? Et quand t'auras fini tes conneries, tu me feras signe. Terminé! Point final à la ligne. Y'a de la musique! Dégage! Hop! Allez hop! Y'a de la musique! Dégage! Merde! Y'a de la musique! Dégage! Hop! Allez hop! Y'a de la musique! Dégage! Ta gueule! Y'a de la musique! Dégage! Hop! Allez hop! Y'a de la musique! Dégage! Bonne nuit! Y'a de la musique! Dégage! Hop! Allez hop! Y'a de la musique! Dégage! Ouais, crois-toi, hein! Clair, net et précis! C'est des habituels! Y'a des gens qui répondent très sérieusement à ta question! C'est des habituels! Ils sont sensibles déjà! Non. Je suis pas d'accord, c'est des habituels! T'as non, compris? Mais... Ah, c'est des habituels, j'en veux pas! Je te respecte, mais c'est qui l'agenda? L'agenda que Pedro il avait, il est hors de question qu'il se veille entre tes mains! Non, je suis désolé! Europe terminée! C'est les habituels, j'en veux pas! C'est dégueulasse! J'en veux pas, c'est les habituels! Et ta sœur, comment qu'elle fait pour enculer un âne? Non! Elle faut pas prendre les gens pour les cons, ni pour les enfants, les canards sauvages! Ouais, non, c'était pas moi! Non, c'était la même ma sœur pour un culotte d'un zouave! Ouais. Oh,